J'ai fait une partie de Mississippi avec quelqu'un, puis j'ai perdu. Puis celui qui m'a battu, il osé venir ce soir. Ah oui? Il est pas nerveux? Donc la deuxième partie, elle est double. Une partie de question, une partie de réponse. C'est quoi l'ego? Francis, 8 ans, qui pose la question. Justement, c'est lui qui m'a planté au Mississippi, je pense. Ah, c'est quoi l'ego, là? C'est la partie qui a été vexée. C'est quoi l'ego? Francis. Bon, c'est pas un paquet de petits blocs pour faire des jeux. Quand, Francis, tu veux faire quelque chose, puis que tu peux pas faire la chose. Bon. Il y a quelque chose chez toi qui t'empêche de le faire, même si en même temps, tu aimerais le faire. Ce qui t'empêche de le faire, c'est ce qu'on appelle l'ego. Puis ce que tu aimerais faire, c'est ce que tu es toi en réalité. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que l'ego est le problème majeur, finalement, chez l'homme. Alors, si Francis, à un moment donné, ça tente de jouer à quelque chose, puis en même temps, il n'ose pas le demander, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, puis l'ego, c'est quelque chose qui projette. Alors, il a peur d'avoir un refus, il a peur que l'autre ne veuille pas, il a peur que... Bon, ça, c'est l'ego. Alors, ce qui t'empêche d'être heureux plus souvent qu'autrement, c'est l'ego. Donc, si on résume, c'est ça. Puis ça va aussi pour les grands, là, sur l'ego. L'ego, c'est l'ego. Ouais. Si quelqu'un a déjà la place que je veux et que cosmiquement, on s'est dit, peu importe qui est là, je n'ai donc qu'à aller ailleurs. Ou si c'est moi qui a à être là, jusqu'à quel point ça se fait sans ma participation tout seul? Comment le chemin s'ouvre-t-il tout seul? N'est-ce pas mal de prendre la place de l'autre? C'est mal, effectivement, de prendre la place de l'autre. Donc, si l'autre a votre place, clairez-le. Bon. Ça règle déjà une vision. Si quelqu'un a déjà la place que je veux, c'est pour ça que je répète encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Ce que l'on veut, c'est à partir de l'information qu'on a aujourd'hui de notre vie, puis de ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais on peut peut-être avoir drôlement mieux, par exemple. Sauf que ce qu'on a, c'est une projection. Elle peut être collective. Bon, on veut avoir quelque chose que normalement tout le monde veut avoir, etc. Quelqu'un ne peut pas être à notre place. Il peut être le gardien de la place. Comme beaucoup d'individus, on dit crime, ils ont plein d'argent, mais ils n'ont pas d'idée. T'sais, moi, avoir leur argent, je ferais. J'en connais plein qui n'ont eu de l'argent et qui n'ont rien fait non plus. Il y en a qui sont des gardiens de votre argent, gardiens de la finance planétaire. Alors, ils sont millionnaires ou milliardaires, puis ils n'ont même trop. C'est pas l'abondance, ça sert à rien. Sauf qu'ils sont des gardiens. À un moment donné, il y a des postes sociaux qui doivent être occupés. Bon, si vous n'êtes pas dans votre trou, il y a quelqu'un d'autre qui va tomber dedans. Lui peut être malheureux, peut-être vous aussi. Si c'est votre place, elle sera là. La journée, vous aurez à changer, parce que plus vous allez vous conscientiser, plus nécessairement les structures sociales vont devoir être changées. Vous allez devoir monter d'échelons. Ça ne veut pas dire devenir président ou etc. ou président, mais il y aura des changements au niveau social, c'est évident. Bon, quelqu'un qui a enfin son emploi de mécanicien comme qu'il voulait, s'il commence à tirer l'abondance, à un moment donné, il va finir par se rendre compte que 5 jours par semaine, c'est trop. 4 jours, 3 jours, 2 jours. Puis à un moment donné, il va faire de la mécanique juste sur quand ça va de quand. Je peux donner des exemples. Là, il y a une personne qui en fait sur le bras. Elle a fait ça avec ses outils, mais uniquement quand les gens ont besoin d'elle, puis ça donne que chaque fois qu'on a besoin d'argent, il y a un char qui casse, puis la personne le connaît. Peut-être c'est lui qui mine les moteurs, là, on remarque bien. Alors, on dit cosmiquement, si le poste doit être pris par une personne, puis on est deux à vouloir le poste, travaillez pas. Vous allez encore travailler à la sueur de votre fond, puis du fond des autres pour aller chercher une place, pour après ça peut-être la regretter ou devoir travailler toute votre vie pour la conserver ou etc. Il y a en masse de places. L'idée, c'est qu'on ne doit pas chercher un emplacement en fonction de stéréotypes. Alors, si je commence dans une entreprise, je ne dois pas nécessairement viser la tête, comme souvent on va dire. On peut être heureux parce que je reviens encore, l'abondance va amener le bonheur, ça va de soi, puis une conscientisation, c'est d'avoir l'argent et le temps qu'on a besoin. Quand tu n'as pas assez, si tu es, si tu appliques les lois convenablement, ça va se placer. Alors la personne se dit, bon, comment ça va faire que... Dans un séminaire, à un moment donné, j'expliquais à quelqu'un que l'être humain, dans l'intelligence, finit par voir des choses différentes autour de lui. Son automobile prend de moins en moins d'essence. Elle brûle plus d'huile, même si elle en brûlait avant. Puis là, on va dire que je vois pas le rapport. Écoutez bien. À un moment donné, j'expliquais même que si vous êtes un être humain et non plus l'animal humain, alors quand on arrive dans une phase de conscientisation et qu'on commence à appliquer des mécaniques, plutôt que tout voir contrôler des mécaniques, on ne le contrôlera pas. C'est contrôler la maladie, c'est une chose. Jamais être malade, c'est plus facile. Fait qu'on peut appliquer les mécaniques de santé. S'il neige, il ne neigera pas sur votre auto. La personne va dire, oui, mais comment ça se peut que... Et moi, ce que j'expliquais aux séminaristes, c'est que je me fous de savoir comment la vie, l'intelligence va faire cela. Alors, ou bien mon auto va être trop chaud, la neige va fondre dessus, ou bien je l'aurai placé par hasard, là, il y aura un coup de verre qui va balayer, ou bien quelqu'un qui va nettoyer son char va voir le mien, puis il va nettoyer le mien aussi. Je me fous de savoir comment. Mais quand je sors, il n'y a pas de neige sur mon auto. Personne ne va dire, ouais, mais tu sais, si la neige, il neige partout, il neige pas sur ton char, puis quelqu'un qui regarde, tu sais, c'est assez traumatisé. C'est ça, il va neiger sur mon char. Quand on va sortir, il n'y aura pas de neige dessus. Quelqu'un l'aura balayé, il y aura eu un coup de vent, il y aura... Mettez ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que l'humain essaie toujours de comprendre d'une façon rationnelle, c'est bon, mais son rationalisme est uniquement basé sur son expérience. Et là, c'est moins bon. Parce que si vous posez un hélicoptère, vous allez atterrir sur l'île de Mindanao, dans les Philippines, dans une populade habitée par une populade de Tassadaï. Ben, l'hélicoptère, là, une libellule de ce grosseur-là qui a un bruit de même, c'est évident que c'est très dangereux, très mauvais, puis c'est un dieu ou une déesse. Et il fonctionne rationnellement. Quand est-ce que tu vois ça dans le bois? Il leur manque de données. Leur manque d'informations. Le bois s'étend à une planète. Il y a des villes, il y a des industries, il y a des hélicoptères. Alors, la même chose pour cela. La personne, bon, quand on parle d'attente active, c'est important de comprendre l'idée. L'attente active est opérationnelle et réelle seulement s'il y a la vérification expérientielle, les tests supramentaux. C'est-à-dire que tu vérifies de temps en temps, comme on l'expliquait au début, la personne qui téléphone, puis si ça ne marche pas, elle n'a pas affaire avec elle. On doit vérifier. Tu n'es pas là à attendre comme ça chez vous que tout se passe, il ne va rien se passer. Bon, alors c'est pourquoi que, effectivement, si elle ne pas être là, elle ne sera pas là. Si elle a à être là, elle va être là. L'idée, c'est qu'elle ne travaille pas trop. Et pour ne pas trop travailler, première loi, c'est qu'elle doit décider jusqu'où elle limite son effort. Puis, je vous le dis, il faut limiter vite. Quand vous parlez d'onde de forme qui va attirer les mémoires, est-ce que ça signifie que si on fait vraiment comme si on va attirer le positif ou automatiquement? Vieille loi pycéenne, loi traditionnelle, faites comme si vous l'aviez, comme si vous l'avez et vous allez l'avoir. C'est toujours vrai ça, sauf que vous allez l'avoir. On ne dit pas quand, hein? Vous allez l'avoir. Ça. Bon. Maintenant, quand on dit attirer le positif automatiquement, rendu à un certain moment donné, il n'y a plus de polarité. On n'attire pas le positif. Mais on va être bien en maudit dans là où on va. Quand on parle positif, négatif, le danger, c'est qu'on peut rentrer en confrontation avec les projections ou les stéréotypes. L'individu qui, à un moment donné, qui voulait absolument être médecin, se ramasse au Bangladesh comme pilote de brousse, a peut-être manqué sa vie. Donc, c'était négatif tout ce qui est arrivé. Mais si finalement il est super heureux comme pilote de brousse, puis c'est parfait, parfait, un jour tu dis, t'es pas si heureux que ça, regarde, il est mort d'un accident d'avion. Quel rapport? L'autre qui était médecin, il est mort pareil, à un moment donné, de... Bon. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'idée positive. C'est pas positif, vous allez être bien en maudit, puis vous allez avoir exactement ce qui est nécessaire. Mais si l'ego décide toujours d'être sur le terrain du voisin, ça peut être négatif, ça peut être très positif ce qui va vous arriver. Mais c'est une coloration psychologique. Et dans les lois, dans l'individu qui se conscientise, ça va toujours nuire. Est-ce que ça signifie que si on fait vraiment comme si on va attirer? C'est encore une chose d'atténuation. faire comme si on l'avait. Je dis souvent que l'humain a tellement joué à quelque chose que quand il l'a, il pense encore qu'il joue. Puis finalement, il porte pas attention, puis il met pas d'énergie. Il conscientise pas comme étant utile ce qu'il a. Quand on parle donc de faire comme si, ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué souvent en conférence, je vais quand même revenir brièvement là-dessus. C'est que si vous voulez avoir l'abondance, vous devez être quelqu'un qui va avoir du temps. Donc, vous devez commencer à marcher plus lentement. Et que ça paraît niaiseux. Ah oui, mais t'es toujours à course. Ça te donnera pas du temps de marcher plus lentement? Oui. Tu vas avoir l'air de quelqu'un qui a du temps, mais t'en auras pas plus. Non, ça va du temps. Tu sais, quand t'es pressé pour dire quelque chose à ton employé, si tu prends le temps de dire comme il faut, t'en sauves du temps. Si tu marches lentement, tu vas peut-être arriver, quoi, 30 secondes en retard sur ton trajet. Mais tu auras vécu, par exemple, tellement de temps que tu auras peut-être gagné 20 minutes de temps de vie. Parce que tu auras bénéficié de ton temps, tandis que quand tu le cours en stressé, tu le marches vite, puis tu es nerveux, puis tu t'en vas, ce temps-là, tu le perds, tu le brûles, il sert absolument rien. Fait que si tu perds 30 secondes pour arriver, tu as gagné 20 minutes de temps de vie. Tu as relaxé, tu as respiré, tu as acquis une forme d'attitude, puis quand tu arrives là, il y a toujours un qui t'en retourne pareil. Puis quand tu parles vite, c'est le même phénomène? Non. Toi, tu écoutes vite. Parfait. Quand, en plus, je parle pas vite, là, imagine-toi bien, et si je parlerais vite, il y en a qui savent. Mais marcher lentement, c'est déjà l'attitude. Alors, je fais comme si. La personne va dire l'abondance, je fais comme si j'avais l'abondance. Alors, je vais subitement m'acheter plein d'affaires, puis je vais, tu sais, non, non. Là, vous jouez. Je n'ai pas compris les principes. Là, vous voulez vous vanter vous-même que vous l'avez. On vit au-dessus de ses moyens. Comme j'expliquais à un moment donné, juste un exemple. On passe à d'autres questions, si on a le temps pour revenir, mais un exemple qui est évident. Les personnes qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'elles font? Puis qu'on parle encore de faire comme si. Hein? J'ai donné souvent, mais c'est tellement puissant un exemple. Ils vont rouler toujours avec la jauge du réservoir d'essence vide. Puis ils mettent 5 piastres, ils ont vraiment assez d'argent pour la mettre pleine. Alors, ce que moi je suggère, c'est que tu la remplis une fois, puis après ça, chaque fois que tu es au corps, tu mets 5 piastres. Tu mets encore rien que 5 piastres, mais tu roules toujours le réservoir plein. Alors, l'onde de forme, exactement comme si tu fonctionnais, je dirais, les gens en plein, mais c'est ça. Alors, tandis que l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va brûler tout ce qu'il a au complet jusqu'à temps qu'il se ramasse pauvre, puis après ça, là, il mange un lipinote, il mange un. Tu sais, t'as pas beaucoup d'argent, t'as 50$ à faire l'épicerie. Alors, tu vas au magasin, tu te dis, je prends 10$, j'achète des spéciaux, puis je prends 40$ pour acheter ce que j'ai besoin. Je vais me priver un peu. Là, hop, boîte de soupe tomate en spécial. C'est fréquent, nous, en spécial. T'sais. Là, tu prends 10$, t'en achètes un paquet. Là, tu dis, crime, on va rien que ça chez moi. Oui, mais tu mangeras pas rien que ça. La semaine d'après, encore 10$ pour les spéciaux. Là, c'est d'autres spéciaux. 40$, ce que tu veux. Hop, tiens, crème de champignons. 10$ de crème de champignons. Là, tu recommences. La semaine d'après, 10$ de dîner craft. 10$ de dîner craft. Mais à un moment donné, là, tu vas avoir du matériel chez vous. Tu vas avoir à peu près tout ce qui, normalement, va t'étouffer ton frigidaire, tout ton garde-manger, puis il y a quand même du matériel dedans. Ça ne va pas rien que des soupes. Mais tu as toujours des spéciaux à un moment donné. Hop, le savon, oh, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais des fois, on est trop pauvre pour économiser. Mais vu que tu t'es fait une façon de fonctionner, ça fonctionne. Puis progressivement, tu n'as pas dépensé plus. Tu as même économisé plus sans effort d'économie. Puis c'est plein. Donc, l'idée, là, c'est pas, oui, mais si j'ai pas d'argent, non, non, non. On parle d'attitude. Toutes les lois que j'ai énumérées, du plus pauvre ou du plus pogné dans le temps, même s'il est riche, là, c'est applicable. Quand on parle de réincarnation, on vient encore avec l'idée, si continuellement tu as une attitude négative, tu attires des entités qui ont toujours été négatives parce qu'ils n'ont jamais rien eu. Si tu as une attitude positive, tu attires des entités qui sont constructrices. Mais il faut faire attention, il faut un positiviste qui est réaliste. Dans le sens que, considérez-vous qu'il est intelligent que vous ayez du temps et une liberté matérielle. C'est logique. C'est pas du positivisme, c'est de l'intelligence. Oui, mais je ne l'ai pas. On le sait. Si vous l'auriez, on ne prendrait pas le temps à vous demander si vous le conscientisez. Comprenez? Bon. Donc ça, on le sait. Revenons pas sur ce qui est évident. Passons. Continuons. Mais l'individu qui part dans le positivisme ne réincarnera pas nécessairement des entités qui vont le rendre professionnel là-dedans. Marcher lentement, progressivement, les gens qui ont marché calmement et lentement, les mémoires vont commencer à descendre. Alors, vous allez apprécier de plus en plus la marche lance. Et vous allez être capable d'en bénéficier. Remarquez ceci. On peut en donner des raisons. Quand on marche lentement, on fait pompage sacré. Le bassin monte, fait un mouvement de va-et-vient vers le haut, vers l'avant et l'arrière. Ça, ça accélère la circulation du liquide céphalo-rachidien. Ça monte le long de la colonne, ça refroidit le cerveau entre les méninges, puis ça nettoie le cerveau. L'individu qui fait du BC va faire la même chose. Celui qui marche stressé, il y a tellement de muscles, tellement de trucs qui viennent bloquer la circulation, il diminue. Quand on disait « prendre une marche éclaircit les idées », on n'a jamais dit de prendre une marche pognée puis stressée en allant au bureau. L'individu va gagner du temps. C'est comme de dire « je prends une heure de plus de sommeil ». Tu vas gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'en 3 heures de travail, tu vas faire ce que tu fais en 8 heures de travail normalement. Gagner du temps. Tu n'arrives pas à réfléchir, lâche tout. Ben oui, tu vas gagner du temps. Tu sais, les journées, tu te lèves, il n'y a rien qui va, là. Rien. Va te recoucher. Ça n'a rien à y travailler, tu vas perdre ton temps. Tu peux passer des années couché comme ça, c'est... Ouais, ben, en tout cas, ça sert à quoi? Autant passer des années couché, tu passes des années à rien faire, à rester debout. Alors, quand on dit de faire comme si vous l'aviez, il faut comprendre l'idée. Vous devez faire comme si vous aviez uniquement le maximum que vous êtes capable de supporter. On a des personnes, à un moment donné, qui n'ont jamais mis de cravate de leur vie puis de veston. Là, ils mettent une cravate, ils mettent un veston, puis on dirait qu'ils sont déguisés. Ils vont trop vite. Leur onde de forme personnelle, le rayonnement qu'ils dégagent ne va pas avec. Puis à un moment donné, la personne, elle doit passer à une autre onde de forme. On en a parlé un peu la semaine dernière, puis l'année dernière. À un moment donné, tu dois changer certaines choses pour acquérir de nouvelles bebelles. Mais là, tu l'aimes ton maudit vieux veston. Peut-être le temps de le brûler, de le jeter ou de le vendre, d'acheter une autre. Pas nécessairement plus cher, changer. Allez avec ce qui vous va. On parle d'esthétisme. L'onde de forme, c'est l'esthétisme. C'est extrêmement important. Alors, quand on dit faire comme si on l'avait, ben c'est ça, tu vas au fur et à mesure, pis etc. Moi, j'ai commencé avec un auto usagé Volkswagen. Après ça, une autre automobile, il fallait que je mette une boîte de conserve, justement, ma canne de tomates en spécial vide pour arranger le silencieux en dessous. Après ça, j'ai eu un Jeep roumain. Le Jeep allait bien, mais le moteur, c'était un moteur Renault, ça n'allait pas pantoute. En tout cas, ça descendait les côtes, ça ne les montait pas. Après ça, j'ai eu une Toyota Tercel, c'était quand même pas si pire, c'était un char neuf. Mais quand j'ai changé pour la Tercel, je changeais totalement de cadre de vie. Je le savais. Puis j'avais tout ce qu'il fallait pour, puis c'était vibrant, puis c'était correct. Mais je ne pouvais pas continuer, je commençais à rentrer en affaires. Sortais des Jeeps, il faut que tu pousses, là, ça paraissait mal. Mais, suite, tu te dis, il me faudrait une Rolls-Royce. Voyons donc, je me sens ça. Non! Alors, tu prends un peu mieux. Tu as ta Tercel pour un homme d'affaires. C'est mieux qu'un Jeep. Comprenons. Et puis, à un moment donné, tu le tiens propre, ton auto. C'est déjà mieux, des Rolls-Royce tout crottés. Tu n'as pas le nombre de formes qu'il faut. Tu n'as pas de clarté autour de toi. Tu n'as pas de liberté d'action, c'est tout poignet. C'est comme les sacoches souvent. C'est les valises, puis les gars, les valises de char. Alors, progressivement, tu montes, puis à un moment donné, effectivement, tu fais comme si tu l'avais, puis tu l'as. Et il va venir un temps où tu fais comme si tu l'avais parce que tu l'as. Pas tu vas l'avoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance, là? Quand on dit « comme si on l'avait », pour moi, ça veut dire qu'on est faux, qu'on n'est pas vrai. Okay. Alors que si on vibrait l'ayant, comme l'étant, la personne qu'on veut être, à ce moment-là, on n'aurait pas de faire comme si, on n'aurait pas besoin de faire semblant. Ce que tu dis est absolument exact. À prendre note. Alors, ce qu'il dit est exact. Pour une fois. Marque la date à quelque part. Mais pourquoi je dis qu'il faut faire comme si, c'est parce que traditionnellement, c'est ce qui avait été dit, parce que l'humain ne pouvait pas comprendre autrement le processus opérationnel du miracle, c'est ce qu'il va appeler lui. Et à un moment donné, pour beaucoup d'égos, c'est la même chose. Parce qu'il y a des personnes avec qui je travaille qui sont prêtes à faire des choses puis qui ne le font pas. Bon, il y en a un, par exemple, qui peut faire des conférences sur l'enfant Teflon parce que c'est rentable. Puis moi, je ne tiens pas tout ramasser. Je vais avoir du monde qui vont être libres matériellement pour qu'on puisse aller de temps en temps s'amuser à parler ou à voyager. Ils sont capables, mais ils ne peuvent pas. Alors, fais donc comme si tu étais capable. Vas-y, tu vas être capable. Il est déjà capable. C'est comme tu dis. La personne qui n'est vraiment pas capable, elle fait comme si elle était capable, puis elle ne connaît rien du système. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour vivre au-dessus de ses moyens. Mais bien souvent, si vous regardez le miroir un petit peu, vous faites une introspection, il y a bien des choses que c'est réglé, vous êtes capable. Puis comme je dis souvent à un moment donné aux séminaristes, on parlait de l'ego tout à l'heure, tu viens pour aller parler, par exemple, devant du public, quand tu arrives là, ton ego, il fait tout pour que tu puisses pas. L'ego fait partie des processus d'involution. Bon, ça, on va en reparler en février surtout, mais quand même. Ce qui arrive, c'est que tu viens pour le faire, puis ton ego accélère ton cœur, puis immédiatement, tu conscientises, quand le cœur accélère, c'est parce que t'as peur, puis quand t'as peur, c'est parce que t'as le trac, puis quand t'as le trac, tu sais très bien que tu peux pas parler. Donc, pour avoir raison, quand même, orgueil prévaut, tu parles pas. Mais à un moment donné, tu es capable, tu le sais. Tu sais, si j'ose avec quelqu'un ici, puis quand on parle ensemble, ça coule, ça va bien. Mais là, dans le public, peut plus. Là, c'est le temps qu'il fasse comme s'il l'avait. Il est capable. On a des personnes, à un moment donné, qui se tiennent bien. Mais même s'ils sont habillés en jean ou ce que tu voudras, ils sont aristocrates. Ils l'ont. Ils vont avoir l'abondance à un moment donné. On ne parle pas de bijoux. À un moment donné, leur énergie devra s'appuyer sur d'autres choses. Ils l'auront en temps et lieu. Mais l'individu doit commencer par commencer. C'est là le faire comme si tu l'avais. Je ne parle pas de réussir immédiatement. Il va étape par étape. Mais comment une personne va commencer si ça ne commence pas? Et comment elle va commencer si ça n'y croit pas? Tu te mets quelque chose, puis tu commences là, puis de toute façon, ça vient. Mais il faut appliquer les autres lois qui vont avec. T'sais. On parle aussi de négoïsation, le phénomène. L'onde de forme de l'aristocratie traditionnelle risque-t-elle de réincarner des mémoires pisciennes? Bon. On va traduire. L'esthétique, l'image. Quand on parle mal, on dit le look. Parce qu'on n'a pas de mot en français. L'image, l'onde de forme, c'est plus juste encore que look même en anglais. L'image de l'aristocratie qu'on connaît. Alors, si on regarde, par exemple, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, on a une aristocratie qui date du passé. Si on adopte des gestes ou des vêtements similaires à eux, est-ce que ça risque pas de réincarner des mémoires pisciennes, l'air du poisson, donc de réincarner des mémoires, par exemple, de l'aristocrate snob qui vomit sur tout le peuple, puis lui, il s'en va, puis il va jouer au tennis, là, régulièrement, parce qu'il s'ennuie. Il a besoin d'avoir l'argent, puis le temps, il n'a jamais su quoi faire avec, il n'a pas la conscience de s'en servir. Alors, il se distrayait, il se droguait, il faisait des fêtes, il faisait des orgies, puis bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si on se conscientise, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous réincarnez des réincarnations de l'aristocratie traditionnelle, et ce sont les aristocrates qui ont toujours dirigé les populations, mais qui ont permis l'évolution de l'humanité. Comme je le disais à un moment donné, c'est eux qui ont soutenu la médecine. L'art, on ne dit rien, l'art, on écoute bien de la musique, hein? L'art. Ils ont soutenu l'écriture, ils ont soutenu énormément de choses. Sauf qu'en même temps, il y avait un paquet de problèmes dans l'aristocratie. Mais vous êtes des aristocrates d'un ère nouvelle. Alors, si on aborde certaines choses, vous avez votre conscience différemment de ce qu'eux n'avaient pas. Et nécessairement, vous avez, après avoir intelligencé la vie, on a une idée de quelle forme d'esthétisme d'aristocrate on veut aller chercher. Et nécessairement, vous ne pourrez pas vous faire ramasser si vous appliquez les lois en question, puis si vous restez conscient de ce que vous voulez être. Vous réincarnez un aristocrate, puis à un moment donné, vous commencez à vouloir travailler plus. Il y a une des lois qui dit que le temps et l'argent, les deux. Donc, à un moment donné, tu limites. On ne réincarnera pas les problèmes que nos aristocrates anciens ont connus. On va réincarner l'expérience qu'ils ont eue, ainsi que le rayonnement. Et ça attire d'autres aristocrates, ça attire d'autres personnes. Ça attire bien des choses, puis ça attire l'argent, puis ça attire le temps, puis ça attire bien des affaires. Bon. Trop en 10 de ce que ça attire, à un moment donné, c'est l'ego qui va vouloir devenir aristocrate, alors qu'il faut qu'on le comprenne par principe. Puis un aristocrate, j'en connais, moi, je connais une princesse, entre autres, habillée n'importe comment, on sait que c'est une princesse. Donc, c'est pas juste une question de vêtements. Mais son linge déchiré, elle le porte tellement bien. C'est vrai, il y a du monde qui ont toujours l'air bien habillé. C'est ça. Sûr. Mais on parle d'attitude intérieure, c'est ce qu'elle rayonne, qui est son onde de forme à elle, mélangée à l'onde de forme du vêtement, mais elle le supplante, ça va. Maintenant, si elle prend un vêtement qui va rehausser ce qu'elle est, c'est évident. Mais même là, on voit. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une nuance entre, ça ne s'adresse pas aux riches. Il faut devenir riche, temps et argent, mais ça s'adresse à l'humain. La première richesse, c'est là-dedans. Après ça, il faut qu'on l'exprime convenablement pour récupérer les deux côtés. Sommes-nous libres arbitres dans notre vie ou si nous avons un destin? Bon, le libre arbitre, c'est bien simple. Je vous pose la question. Si vous avez exactement tout ce que vous avez toujours voulu, vous avez un libre arbitre. Bon. S'il y a une chose que vous avez manquée, vous n'en avez pas pantoute. Le reste, ça donnait bien. L'être humain n'a pas de libre arbitre, sauf que depuis quelque temps, comme j'expliquais la semaine dernière, la personne c'est le plus de réponses pour quand même se référer à la conférence de vendredi dernier, ou encore aux 200-300 conférences que j'ai données avant. Quand on achète un billet de loterie, c'est pour perdre ou pour gagner? C'est pour perdre, on a du libre arbitre. C'est pour gagner, on n'a pas de libre arbitre. Oui, ça résume bien. Et dans le séminaire que je donne, bien, on passe plusieurs heures à purifier ça, puis bien souvent, c'est extrêmement important à un moment donné que la personne comprenne qu'elle n'a pas de libre arbitre, qu'elle est manipulée. Sauf que dans sa conscience, plus elle se conscientise, plus il va se développer une liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus décider de quelle façon vous allez être heureux ou malheureux. Quand il pleut dehors, là, puis vous voulez qu'il fasse soleil, vous n'avez pas de libre arbitre. Mais quand vous chiolez parce qu'il pleut dehors, c'est toujours pas de libre arbitre, mais même pas de liberté dans votre conscience. Puis après ça, si vous intelligenciez en vous disant, ouais, mais c'est une niaise de chioler, là, vous chiolez parce que vous chiolez, on s'est récupéré. À un moment donné, la conscience se développant, il pleut, on n'a pas de libre arbitre, mais on reste ce qu'on est, nous, on est libre. Dans les années qui viennent, il y a beaucoup de trames qui vont être changées, il y aura une forme de libre arbitre appliquée, parce que l'intelligence, il y a des mécanismes nouveaux qui descendent, vont venir s'appuyer également aux mécanismes du passé. Le passé, la tradition, hein, la mode, le collectivisme, les candidatons, etc., il y a tellement, ça nous manipule. Tu sais, c'est le mauvais temps. Tout le monde sait qu'il y a plus du mauvais temps. Bon, c'est collectif. Quelqu'un te dit, ah, il faisait mauvais là-bas. Tu ne penses pas qu'il faisait soleil. Bon. Et ça va être appuyé avec des facteurs neufs. Ceux qui se conscientisent vont se ramasser sur une plaque où ils vont être capables, vu qu'ils ne sont plus manipulés ni par l'un ni par l'autre pendant l'année qui vient et les quelques années qui vont suivre, là, on aura une forme de libre arbitre pour réaligner. C'est pourquoi la conférence la semaine dernière, qu'on parlait de 90 années déterminantes, il y a beaucoup de choses qui vont être faisables comme ça n'a jamais été faisable dans le passé par les individus qui se conscientisent, mais plus ils vont être anégoïques, moins ils auront d'ego, plus ils vont agir anémotivement, sans émotion. Je parle d'agir. Moi, quand je suis avec des êtres humains avec qui je vibre, on a de l'émotion, on a de l'affection, puis c'est beaucoup plus pur que ce que beaucoup vont voir. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au niveau de la gestion de la vie, c'est anémotif, puis c'est anégoïque. Alors, il y aura l'être humain présentement une destinée totale, mais sa destinée, elle est collective, et c'est ça qui est encore plus fendant. C'est que ma destinée, elle était déterminée par la masse. Mais c'est normal. Quand on n'aime plus telle musique dans la masse, ben on ne l'aime plus dans l'individu. T'sais, c'était à la mode, mais là, c'est plus à la mode. Juste l'idée. Tu te promènes en automobile, mais à un moment donné, on est le 23 décembre, il y a un cantique de Noël qui commence à jouer. Change de poste. L'autre te dit, ah, c'est le fun de temps en temps, c'est bon. Fait. Le 26 de décembre, ah, comment ça qu'il y a encore ça à la radio? Ils sont bien niaiseux, c'est passé, là, le temps des fêtes. Mais c'est ça, elle aime ça, le temps que tout le monde doit aimer ça, ben, plus ça quand on aime plus ça. Alors, nécessairement, elle a une destinée. Je ne sais pas les barbites là-dedans. Elle est totalement manipulée par la gestion évolutive psychologique des autres. Quand l'individu a une conscience individuelle, dans la matière, notre corps impose notre espace-temps aux autres. Alors on dit, la liberté de quelqu'un s'arrête, la liberté des autres commence. Je ne peux pas m'asseoir sur votre chaise lorsque vous êtes là. On ne peut pas être dans le même temps au même endroit. On peut être au même endroit dans deux temps différents. T'es là, ôte-toi, je m'assois, je suis là. On est au même endroit dans deux temps. Ou on peut être dans deux endroits différents dans le même temps. Présentement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le libre arbitre, il est extrêmement restreint. Dans la conscience, on a une liberté. Elle peut se développer, se déployer. À un moment donné, ce qui va arriver, comme moi, est-ce que j'ai un libre arbitre? Je n'ai pas besoin. Si je comprends certaines mécaniques, immédiatement, les choses s'ajustent en fonction d'intelligence, d'écologie. La nature ne cherche que ça, bâtir un cadre écologique d'un écosystème. Automatiquement, j'aurai l'abondance. Mais pourquoi c'est pas méritoire? Si t'as pas les barbites, j'ai pas rien fait pour. J'ai cessé de faire des choses. Ça s'est placé. Est-ce que le don d'organes d'une personne à sa mort peut nuire à son évolution? Je pense que c'est marqué à sa mort. Bon, à l'évolution de qui? Hein? Du mort ou de l'autre? Ben, les deux. Ben, ouais, c'est ça. C'est... Celui qui se fait transplanter un rein, changer de sang, tout ça, lui, ça va changer son futur? C'est évident que ça change sa vie. Ça, on le sait déjà. Une personne se fait transplanter un cœur, ça change sa vie. Oui. Elle n'est pas morte. Premièrement, mais deuxièmement, le fait de changer de sang et changer d'organe, ça doit avoir un impact aussi. Quand l'être humain a une émotion, automatiquement, il sent son cœur accéléré, il sent des palpitations, bon, il rougit, il blanchit, il a des problèmes intestinaux, il va aux toilettes, il ne va pas, il est trop tard. Bon. Chaque fois qu'un être humain exprime une émotion, il l'exprime par le système endocrinien, et le système endocrinien, par le biais du sang, amène les hormones à des récepteurs spécifiques qui vont créer une réaction, et là, l'ego, lisant la réaction, sait qu'il a une expérience. Vous n'avez pas peur, présentement, votre cœur accélère pas. Si le cœur se met à accélérer, subitement, vous allez penser que vous avez peur, vous allez chercher pourquoi vous avez peur, bon. Lecture. Si le cœur n'exprime pas, l'ego ne le sait pas, processus parfait de négoïsation qui amène à un moment donné une libération beaucoup plus puissante, celle du double éthérique. Quand on donne un organe, si on donne un rein, qui est un filtreur du sang, si on donne une partie du foie, qui est un réceptacle du sang aussi, puis un filtreur aussi, nécessairement on donne aussi, comme un que donner du sang, c'est pourquoi d'ailleurs il y a des religions qui ne veulent pas qu'on fasse de transfusion sanguine, parce qu'on transfuse l'âme. C'est vrai. Mais si on ne transfuse pas l'âme, il meurt, tu sais, fait que, bon... Alors, ce qui va arriver, c'est que si on fait un don d'organes, ça ne nuit absolument pas celui qui habitait le corps physique lorsque la transplantation se fait. En plus, s'il était plus conscientisé, ben, il donne un coup de pouce à l'autre. Biologiquement, comme au niveau de ce qui va se passer au niveau hormonal. Sauf que le receveur, dépendant des organes, va assimiler, on va dire digérer, l'importance énergétique de l'organe. Sauf dans le cas de poumon. Pourquoi? Parce que c'est les poumons qui ramassent l'énergie yang, yin et yaminal de l'air. Beaucoup d'informations astrales, psychologiques, mémorisées dans l'atmosphère, dans l'oxygène et le gaz carbonique, entre autres. Le cœur, c'est une pompe, mais en même temps, énergétiquement, archétypalement, c'est focalisé que c'est le cœur qui est le siège de l'émotion. C'est le cœur qui est le siège de la pompe du sang qui transmet l'émotion, mais quand même. Il y a des organes qui font qu'à un moment donné, on transplante chez quelqu'un et la personne a l'impression que le donneur vit avec elle. Puis effectivement, il y aura une symbiose qui va se faire, puis il y aura à un moment donné une fusion qui va se faire, puis la personne d'avant ne sera plus la même, et il y aura des caractéristiques du donneur qui vont venir là. Même chose, tu es un père, ta femme, elle devient une mère, tu donnes une partie de ton corps, elle aussi, ça crée un enfant. Physiquement, ils vous ressemblent. Psychologiquement, ils auront des traits aussi. Et individuellement, ils auront aussi une différenciation. Alors, il n'y a pas de danger du tout. C'est sûr que si, par exemple, je reçois le cœur d'un alcoolique ou, disons, d'une personne qui était totalement stupide, mais je parle pathologiquement, je peux me dire, crime, je reçois son cœur, va devenir stupide. Non. Ça altère un brin. Mais le moindrement que vous êtes conscient de ce qui se passe, quand il pleut, vous chiolez plus, ben c'est pas l'organe d'un autre qui va vous faire chioler. Mais si, par contre, vous êtes extrêmement manipulable par n'importe quoi qui se passe dans le collectivisme, il risque d'avoir une incidence temporairement. Comme la personne dit, j'ai l'impression que c'est l'autre des fois qui s'exprime par moi, si tu es chioleux, tu vas chioler. Mais entre le choix entre devenir un micron plus chioleux ou mourir, un micron plus chioleux, on transmutera ça des semaines à venir pour deviendra normal. Mais il n'y a pas de problème. Où il y a un problème à un moment donné, qu'on peut trouver bien rapidement, c'est que c'est sûr que si moi je suis médecin et je suis émotif, vous êtes une personne plus ou moins âgée ou qui physiquement je trouve pas beau, pas belle, puis que j'ai une jeune ou un jeune de 16 ans qui est là, puis lui a besoin absolument d'un foie ou d'un cœur. Vous êtes arrivé d'un accident automobile, mais vous êtes viable, peut-être qu'il va vous déclarer mort. qui m'a sauvé celui qui me plaît émotivement. Ça peut être un problème. Hein? C'était beau ce que je disais avant, mais là... Ouais, c'était beau. Il y a des gens qui entendent des voix, donc ils ne sont pas sourds. C'est ça. Est-ce un symptôme de l'homme transitif? Bon, une personne qui entend des voix, c'est un symptôme de personne qui entend des voix. Dernier, bon, qu'est-ce que c'est entendre des voix? Parce qu'il faut faire attention. Dans la majorité des cas où on n'accepte pas les différences, il y a bien des affaires de... La personne, si elle entend des voix, ah tiens, c'est une folle. Si elle entend des voix, c'est qu'elle entend des voix. Si on n'en entend pas, c'est qu'on n'en entend pas. Il faut qu'on comprenne la différence à un moment donné. La personne qui entend des voix, elle a nécessairement un phénomène soit de clairaudience qui commence à se développer. C'est pas un symptôme de personne transitive, mais ça peut apparaître chez une personne transitive. Bon, mais c'est évident que c'est une preuve de changement quelque part chez elle. Les voix, ça peut être des acouphènes, ça peut être des bruits. Il y a des acouphènes qui sont pathologiques. Des mauvaises pressions sur le tympan, il y a des bactéries, bon, il y a des choses. Mais il y a des acouphènes aussi qui sont ce que les anciens appelaient la musique des sphères. Tu sais, j'ai un acouphène de bactéries, là, puis j'entends de la musique classique. Non, à un moment donné, le médecin a beau dire, mais quand même, ton acouphène n'est pas... Des bactéries très sophistiquées. Ah, c'est des bactéries... Beethovenien. Des Beethoven, c'est ça. Dans les bactéries. La personne qui entend des voix, c'est aussi des paroles. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement auditif? Ça peut être aussi cérébral. Bon. Elle développe une clairaudience. Elle a une hypersensibilité localisée dans un sens vital particulier. Ça peut passer, ça doit passer, parce que c'est extrêmement compliqué. Comme je disais, à un moment donné, des personnes qui, bon, j'aimerais voir l'aura. Mais voir l'aura, c'est, tiens, ceux qui voient des couleurs, c'est la même chose. C'est beau de voir l'aura. Puis quand tu fermes les yeux, tu vois encore l'aura. Puis quand tu veux dormir, tu vois encore l'aura. C'est bien beau de voir l'aura. Tu apprennes à plus voir l'aura. Surtout si l'aura est laide, hein, c'est bien évident. Bon. La clairaudience, la même chose. La personne, ce n'est pas un symptôme de transition, c'est un symptôme de changement. C'est quoi un symptôme de personne transitive? Vous êtes de moins en moins malheureusable par la vie, de moins en moins chialeuse. Vous posez de plus en plus de questions neuves. Vous avez de plus en plus d'allergies en face de l'incohérence. On parlait de plein de symptômes. Ça, oui. En plus, vous pouvez marcher sur les eaux, c'est un très bon symptôme. Mais on peut aussi marcher sur les eaux, puis être tout simplement émotif, puis être bien content de marcher sur les eaux. Juste à marcher sur l'eau le 12 janvier, puis ça marche. Ben oui. Est-ce qu'on doit passer par ce symptôme pour devenir un homme nouveau? Non. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui passe par là a des problèmes. On revient encore à l'évolution vers l'individualisme de conscience. Individuel. Il y a des personnes qui vont avoir des symptômes pathologiques typiques de l'évolution, douleur rétro-sternale, sans problème au niveau de l'électrocardiogramme. La personne va avoir de l'hypertension, de l'hypotension, on ne voit pas de cause, le cerveau détecte une hypotension et augmente la tension, comme la tension normale, ça crée une hypertension. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire au niveau de la mutation cérébrale qui vont engendrer acouphènes, qui vont engendrer des piquements où tu as beau te gratter, ça ne sert à rien. C'est le cerveau qui détecte que ça pique, faut que tu grattes un neurone. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver qui sont des symptômes. Est-ce que tout le monde passe par là? Non. Puis une chose que vous devez savoir, c'est que plus il y a de gens qui vont se conscientiser, plus ça va être facile pour ceux qui vont suivre. Donc, plus ça va aller, moins on pourra se fier à ce qui s'est fait du point de vue des symptômes. Si une visualisation s'impose à nous, on ne visualise pas, c'est elle qui s'impose, qu'elle nous fasse sécréter ou pas, est-ce quelque chose qui peut arriver? La visualisation, bon, dans bien des cas dépendants, il faudra que je connaisse l'individu personnellement. Dans bien des cas, ce qui va arriver, c'est que la visualisation est une attraction pour vous obliger à bifurquer et à vous ramasser dans un traquenard. Bon, la semaine prochaine, on va parler de comment ne pas perdre son abondance. Ça fait partie de comment le conserver, parce qu'à un moment donné, l'individu travaille un peu, ça commence à marcher, puis en même temps, commence à démolir. C'est comme de dire, si vous travaillez, vous allez avoir de l'argent, c'est vrai. Si ça dépense, ça, tu n'auras pas plus, c'est vrai aussi. C'est bon, donc, d'avoir le reste. Alors, la personne, elle est couchée, par exemple, puis subitement, elle a toute une trame au complet qui apparaît. C'est un futur possible. Mais ce futur possible-là, il ne veut rentrer par les murs. Ce futur possible-là, il peut être simplement une attraction psychologique, astrale, mémorielle, un récupérateur d'évolution pour vous obliger à rentrer dans un traquenard. Encore une fois, comment on peut savoir? Vérification expérientielle. C'est pas parce que la visualisation ou la vision est belle, pure, quoi que ce soit. Non. Fiez-vous votre expérience, ça se ramasse souvent par des idées parfaites. Mais c'est toujours la même chose, hein? Tu vas voir un cartomancien, sur 100% de ce qu'il dit, 1% est vrai. Ce 1%-là, tu fais oublier les 99 autres, puis tu continues à aller voir ton cartomancien. Alors, bien souvent, c'est la même chose au niveau de la vie. Tu réussis une fois sur 15, c'est la preuve que ça marche. Tu manques 14 fois sur 15, c'est la preuve que ça marche pas. Alors, la personne, si elle se met à sécréter, puis on va voir la semaine prochaine pourquoi elle n'a pas sécrété. On va en parler un petit peu. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont au fait. Ça peut nuire énormément. Et surtout que la projection, on doit la vérifier à partir des lois qu'on a énumérées là. Question aussi sur l'abondance de santé. Ouais. Quand tu as des problèmes de santé, comment faire pour conserver cette abondance, pour l'obtenir? Bon, c'est évident, ça fait partie de l'abondance. Avec quelqu'un qui est malade, n'a pas le temps. Tu sais, ça nuit. Bon, puis il parle plus manquer d'argent. Donc, c'est évident. La santé, ça se règle extrêmement facilement. De plusieurs façons. À un moment donné, on pourra faire une série sur le phénomène de la santé, là, ben, pas rien que de la santé, mais sur un paquet de mécaniques qui inhibent. La façon la plus parfaite de se guérir d'une maladie, c'est de trouver une raison intelligente d'être en santé. Ça paraît quétaine, ça paraît facile. Mais trouvez-en une raison intelligente qui n'est pas émotive, vous allez voir. Puis comme j'ai dit aussi à un moment donné, si on vous la donne, vous allez l'apprendre. Vous ne l'aurez pas trouvée. C'est la démarche pour la trouver qui va vous guérir, pas la résultante. Première chose. Deuxièmement, il y a énormément de pathologies qui sont là uniquement pour vous freiner parce que vous voyagez mal. Ou vous travaillez, vous n'avez pas à aller. La pathologie vous freinant, elle vous nuit. À un moment donné, vous pouvez perdre une occasion qui vous aurait peut-être tué. Première chose, dans le freinage. Deuxièmement, il y a beaucoup de pathologies qui sont uniquement l'expression de l'intelligence chez vous, autrement que par votre pensée, votre conscience ou votre parole. Pourquoi? Parce qu'elle est trop occupée par de la mémoire, du stress puis des problèmes. Or, à un moment donné, c'est canalisé d'une façon où, si on a un décodeur, on peut l'être nous-mêmes, on peut étudier une correspondance entre l'expression de la pathologie, comme quand on dit, à un moment donné, bon, une personne nerveuse va faire des ulcères. Il y a une résultante. Et si on étudie la nervosité puis le travail qu'elle fait par rapport à l'ulcère, du point de vue vital, je l'ai expliqué à un moment donné, on va comprendre immédiatement le parallèle. Alors, la personne qui est malade, il peut aussi y avoir simplement une communication qu'elle ne comprend pas ou qu'elle refuse. C'est sûr que si elle comprend, ça va prendre le temps qu'il faut au corps pour se guérir. Mais on revient encore, quand tu viens pour freiner, ça n'arrête pas d'un coup sec. Tu sais, t'éteins le moteur, t'as toute la clé. Le char continue à avancer. Bon. Il va arrêter à un moment donné, mais laisse-y le temps. Alors, il y a trois choses à chercher au niveau de la pathologie. La quatrième, c'est le karma. Maladie karmique sociale, les maladies collectives. Tuberculose, peste, maladie vénérienne, il y en a plusieurs comme ça. Là, c'est parce que vous payez le karma d'une société. Ça ne vous regarde pas, votre maladie. Chien, hein? Mais ça ne vous regarde pas. C'est sûr que si tu as une raison intelligente de guérir, automatiquement, ça va guérir. Tu vas régler ton problème. Pas en travaillant sa maladie. Donc, on doit... Il y a des... À un moment donné, on pourra revenir là-dessus, là, mais ce que j'ai dit là, c'est... Ça résume bien. Ça te regarde pas, mais quand c'est karmiquement pour la société, puis que tu l'as, pareil, s'en défaire, ben, à ce moment-là, tu vas le transporter sur quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça, c'est pas important. Je ne vais pas le dire, mais c'est ça pareil. OK. Tu sais, les grippes, là, quand l'autre commence à l'avoir, commence à plus l'avoir, hein? Tu sais, ça paraît bizarre, c'est amusant comme ça, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes karmiques que c'est pas toi, ce serait un autre. Mais imaginez le gars qui attend la fille pour y sauter dessus, le plat violet. Puis là, vous sortez pas chez vous. 5 minutes après, la voisine la sort. C'est elle. Puis le karma social doit, à un moment donné, descendre vers un individu faible, mal pris, rentre dedans, le manipule, puis s'éclate. Quand le gars se réveille après son viol en prison, jamais il aurait voulu violer, il comprend pas. Il y en a qui auraient aimé, la majorité, non. Prends le bonhomme qui bat son enfant et qui le tue, la bonne femme fait pareil. Aussi, j'en ai connu, à un moment donné, des personnes en prison. J'ai été en prison, faire des conférences. Et puis, les personnes que je rencontrais, eux autres, personnellement, là, non, non, non, pas en tout, vraiment, ils comprennent tout pourquoi, mais ils savent pas qu'est-ce qui les a pris. Mais c'est ça, karma collectif. Comme je disais, un prisonnier, toi, là, pas toi qu'on a voulu mettre en prison. T'as une petite partie qui se laisse accrocher, à manipuler, à tuer. On a mis elle en prison. Elle habite ton corps, on a mis le corps en prison. T'habites dans le même corps, t'en retrouves en prison aussi. Je comprends que c'est chiant. C'est ça. Quelles sont les mécaniques de la ou les lois qui créent le cercle vicieux de l'endettement dans le cas où la personne se conscientise dans sa vie matérielle? Comment rétablir l'ordre dans le désordre que l'on a créé dans le passé? Bon. Premièrement, une chose, la personne devrait commencer à voir à l'application de ce qu'on a vu ce soir. Une personne qui dirait, il me semble, j'ai trouvé une autre loi. Et pourquoi pas, hein? De plein. Alors, limitez-vous pas uniquement à la conférence. Puis après ça, vous allez dire, oui, il me semble, c'était pas tout à fait comme ça, il faudrait le faire. Oui, chacun va ajuster. Puis en plus, c'est pas rien ce que j'ai dit, c'est aussi ce que vous avez compris. Bon, donc on ajuste aussi. Mais rétablir l'ordre, le cercle vicieux de l'endettement, puis ça, je connais des individus qui sont sur une corde raide à un point tel qu'ils ont 0, par exemple, ou moins 15. Si tu leur donnes de l'argent, ils disparaissent tout de suite, ils ont encore moins 15. Et le gros danger, c'est qu'ils vont vous entraîner avec eux dans leur gouffre. Puis on va voir surtout la semaine prochaine comment éviter de se faire entraîner puis comment cesser d'entraîner pour bloquer la descente. C'est un aspirateur central. Oui. Ce qui arrive, c'est que vous devez arriver à un certain niveau. On va surtout voir ça la semaine prochaine dans ce qu'il faut faire pour conserver. On doit arriver à un certain niveau pour que se débloquent des mécaniques. Si vous n'êtes pas acculé au pied du mur, vous allez toujours espérer dans les vieux principes. Mais à un moment donné, acculé au pied du mur, vous n'aurez plus le choix de constater que c'est plus ça. Et là, vous aurez l'obligation d'essayer de nouveaux principes. Ce soir, on peut sauver du temps, on en a déjà 8. Mais ce qui arrive, c'est que si mon pied du mur, je suis rendu à 0, je viens te voir, peux-tu me prêter 2000$ si j'en aurais besoin, il me le prête. Je ne suis pas encore acculé. Donc, je n'ai rien à comprendre. Et son 2000, je vais me le brûler. Puis après ça, lui, s'il se conscientise, ou bien s'il me connaît, puis après ça, il vient dire, « Ouais, mais là, je t'ai prêté. » Non, si tu prêtes à quelqu'un qui se conscientise, pars avec l'idée que tu donnes. OK? Ça élimine des contraintes karmiques entre les deux. On va revenir pareil. Là, à un moment donné, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je vais aller voir une personne, puis je vais dire, « Tu me prêtes 3000 parce que là, bon, elle me le prête. » Bon, OK. Je l'entraîne avec moi. Je ne suis pas au pied du mur encore. Donc, je n'ai pas commencé à appliquer les lois qui vont me permettre d'amener l'abondance. Les lois du conscientisé. Mais est-ce que ça, ce phénomène de perte-là, ne t'amène pas justement au pied du mur pour te pousser à créer et à sortir du neuf? Ça te pousse à créer et à sortir du neuf. Le problème, si tu étais sorti plus vite, donc tu n'aurais pas eu besoin de descendre si bas. C'est ce que je dis à une personne à un moment donné. Elle est rendue à 0, puis je dis « lâche tout ». Je peux pas lâcher, c'est impossible. Bon, ben lâche pas. 2 ans après 2 infarctus, elle lâche tout. Je t'avais dit, tu pouvais tout lâcher, hein? T'as lâché. Oui, mais c'est chiant. Je te dis pas le contraire. Mais quand tu pouvais lâcher, tout le monde te haït. 2 ans après, tu lâches, t'as pas le choix, ils t'haïssent pareil parce que t'es chiant, t'es lâche. Sauf que tu aurais dû lâcher avant, tu avais la santé, tu avais encore de l'argent. Maintenant, quand tu lâches par obligation, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de santé. Mais tu fais exactement comme je t'ai dit, tu lâches pareil. C'est, on peut pas, on peut. Tant mieux, à un moment donné, il faut qu'on bloque la roue. La personne ici est dans un cercle où même elle va continuer à creuser. Puis là, je te dis, oui, mais c'est même pire, là, moi, là, je suis rendu au pied, puis ça continue à descendre. Ta carte de crédit, comment qu'elle est? Oh, il me reste 5-200 dessus. C'est ça. T'as pas compris encore. Moi, je l'aurais coupé fait longtemps. Non, mais si je la coupe, quand tu vas être rendu à zéro, là, il n'y aura plus rien dessus. Elle va être comme coupée, hein? Avec 2000 de dette de plus. Mais elle va être pareil, comme coupée. C'est au même point. Le point en question, ramasse-le vite. Puis, tu vas voir que si tu commences juste à appliquer certaines choses, oui, mais j'ai vécu très bas. Tu aurais vécu plus bas. Ça, l'humain, il sait pas. Puis ceux à qui j'en parle, à un moment donné, qui sont en train de descendre, je leur dis, fais plus ça là. Cesse d'emprunter. Ben oui, mais si j'emprunte pas, moi, tout perdre. Mais emprunte. Là, il emprunte 150 000. J'en connais qui ça y va. Puis après ça, là, oui, mais là, là, il faudrait que je trouve un prêteur de 300 000. Mais 150 000, t'as eu. Faut s'en passer. Oui, je sais, cesse d'emprunter. Parce que tu continues, puis en plus, tu amènes du monde, vraiment du karma. Il y a bien des choses autour de ça qu'on va voir comment conserver. La personne ici, la semaine prochaine, on ne va pas répondre plus d'une façon plus consistante, parce qu'il y a ce qu'on doit faire aujourd'hui, les 8 lois, et il y a aussi plusieurs autres choses qu'on n'aura pas le temps de jaser là, que la personne devra additionner à un moment donné pour bloquer sa roue comme il faut. Mais on revient à ce qu'on a dit au début, comprendre, génial. Appliquer. C'est efficace. Quel truc suggérez-vous à une personne qui est prise émotionnellement dans une situation difficile afin qu'elle s'en dégage et utilise son intelligence pour changer cela? Ben, c'est ça. C'est ça. Qu'elle applique son intelligence, qu'elle s'en dégage et qu'elle change cela. Le problème, dans l'évolution, les trucs, là, dans la motivation ou dans le positivisme, ceux qui ont fait le plus d'argent, ça a été les motivologues, puis les positivistes, les positiveurs, hein, c'était ceux-là. Comment faire de l'argent avec l'argent des autres? Il a vendu beaucoup de livres. Bon. Oh, il a fait de l'argent aussi, son principe est bon. Mais l'idée, c'est que quand on parle de vendre un truc, moi je dis des choses ce soir et c'est applicable, puis de plus en plus de gens, 5-6, qui l'appliquent maintenant. Et ça commence à donner des résultats même pour eux. Mais l'idée, c'est que c'est pas des trucs que j'amène. Vous devez faire de ce que j'ai dit votre façon de voir les choses. Si j'amène un truc, bon, quel truc elle met un S? Déjà là, c'est un séminaire. Suggérez-vous à une personne qui est prise émotionnellement dans une situation difficile se dégager de la situation difficile? Première chose. Donc, se dégager du résultat, c'est une des lois qu'on a vues tout à l'heure. Se dégager du résultat, elle vise à s'en sortir à un point tel qu'elle gratte tellement pour sortir du trou qu'elle ne se rend pas compte qu'elle creuse. Il faudrait qu'elle réussisse à se foutre que ça marche ou que ça marche pas, oui, ou que ça reste. Mais quand je dis se foutre à certaines personnes, ils me disent, ben voyons donc, on peut commencer à me foutre de tout. Se foutre stress que ça va amener, puis se foutre, elle est dans la situation, qu'elle cesse déjà de s'en faire pour être dedans, elle a réussi, elle est dedans. Bon. Là, on dit, oui, mais c'est pénible. Je le sais. Mais ça ne change rien. C'est que toute son intelligence est oblitérée par sa souffrance émotive. Bon, elle le sait. Elle le sait. Elle me dit, afin que sans dégager, donc la situation, que l'intelligence s'en dégage de façon à améliorer les choses. Bon, elle le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut commencer à appliquer. Il faut commencer à appliquer des choses simples, petit à petit. Puis quand je parle de choses simples, moi, bien souvent, celui qui ne se conscientise pas dans une vie, ils ne sont pas capables d'en comprendre une de mes petites choses simples. Ça reste des choses simples, mais il faut les appliquer. La première, c'est que la personne devra intelligencer suffisamment. Ça fait partie un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en même temps, d'un processus total d'évolution qui ne fait pas même partie de l'abondance. Dans la période de questions, on approche un peu de la fin. En février, je parle, et on va faire justement 3 ou 4 conférences uniquement sur les inhibiteurs de l'évolution. Qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas capable de se libérer émotivement? Qu'est-ce qui la freine en dedans? Là, on pourra répondre en détail. En cas qu'elle puisse comprendre rapidement, c'est évident que l'individu doit finir par s'asseoir et se dire, bon, ben, qu'est-ce qui est important dans la vie? Tous les résultats, la matière, ou etc., ou simplement mon corps, puis moi qui est dedans, qui a à comprendre des choses. Présentement, je vis mieux que beaucoup d'individus, mais je souffre beaucoup plus que des individus. Je m'attaque à un stéréotype de réussite. Je sais, j'ai des dettes, on me court après, ça téléphone régulièrement. Il y a une chose de bon dans mon endettage, je vais me couper le téléphone bien vite. Bon, ça fait curé. Bon, la personne, elle est mal prise. Mais on est chanceux, on vit dans une société nord-américaine. Faillite personnelle, ça existe. Oh, ben oui, oh. Correct. Quand tu seras suffisamment dans le trou, pire, peut-être tu la feras, mais tu l'aurais faite peut-être. Faillite commerciale, ça existe. Ben oui, mais... Correct. Mais ce que je vous explique, c'est qu'on est chanceux dans un système où il n'y a pas de problème suffisamment grand pour qu'on ne puisse pas le fuir intelligemment, le régler d'une façon particulière. Mais si on reste des êtres travaillants, méritoires, épicéens, où on veut régler ça en fonction du concept qu'on avait élaboré, c'est sûr qu'à un moment donné, vous dites, bon, ben d'abord, avec ton idée, je vais remplir ma carte, après ça, je m'en foutrai. Non. Parce qu'il y a quand même un attelage karmique qu'on additionne. Surtout que c'est toujours plus compliqué. Donc, coupez votre carte. Ensuite. Puis là, ça fait comme mal. Mais quand elle va être pleine, elle va être coupée pareil. Oh, tu as payé 100$, tu as acheté pour 100$, tu as payé 100$, tu as acheté pour 100$. Bien, tu as payé 100$, tu as acheté pour 95$. Les intérêts, bon. Puis, à un moment donné, tu as payé 100$, puis il va t'en réclamer 110. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, quand on espère pour on gratte, c'est dangereux. La personne, elle doit finir par s'arrêter complètement, là. Puis quand tu dis se foutre de tout, mais en fonction d'une certaine esthétique du se foutre de tout. Mais pas une esthétique stéréotypée, une esthétique intelligente. Bon, là, je viens de gagner 500 à la loterie. Bon, ben tiens, je vais remettre 100$ à mon beau-frère qui m'a prêté de l'argent, ou à ma belle-sœur qui m'a prêté de l'argent. Je dois 2000, tu sais, mais me remettre 100$ pareil. Oh, mais c'est 100$, ça va rien foutre dans son... Mais dis 100$ pareil. Si pourquoi pas le 500$, le gagnant de tri? Ouais, ben parce que garde-les. Ça va possiblement t'aider à vivre, là. C'est sûr... Mais si t'es dans le phénomène que tu disais tantôt, si... en descendant, tu vas le perdre. J'ai 2 employés qui sont dans ce phénomène-là. S'ils gagnent 500, ils vont le gaspiller. Fait que qu'est-ce qu'ils font présentement? C'est que chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils me la donnent. Ben, ils me la donnent pas à moi. Là, on la place dans un compte en banque qui appartient à la compagnie. Bon. Et il y a une personne dernièrement qui me disait, sais-tu qu'il y a 1 500$, ça fait 6 mois que je t'ai demandé à chaque mois, j'aimerais ça le sortir. Puis après ça, je te disais, non, laisse faire. Puis là, on en est rendu au début de l'année 90, puis à bien y penser. Si je l'aurais sorti, je sais que je l'aurais pu, mais j'aurais rien de plus. C'est ça que j'ai dit. Là, t'es pauvre, t'es dans le trou, puis t'as de l'argent à côté. Quand tu as commencé à comprendre ce qu'il faut faire, puis à commencer à te relever, ça en aura déjà. Mais la majorité des individus vont tout ramasser jusqu'à plus rien, puis souvent vont ramasser le maximum dans l'entourage jusqu'à temps que ça bloque partout, pour là, devoir commencer à changer. Et dans les lois PCN, il y a un phénomène comme ça qui va fonctionner. Tu sais, 7-up, c'est 7-up. Le premier qui a parti ça a foiré. Le deuxième, le troisième. Le septième qui est arrivé, qui a pris l'affaire, qui est encore en débandade totale, lui, il a fait un succès. Et là, on va dire, ça prouve que parce que si les gars n'auraient pas lâché, ça prouve que celui qui devait réussir est arrivé en septième. Ça prouve que tous les autres auraient dû lâcher avant. Ça aurait pu s'appeler premier up. C'est ça. Mais ça, c'est moins commercial, c'est sûr, c'est mieux certain. Mais l'idée est là. Et alors, la personne qui est dans des trucs, des suggestions pour l'ego ou encore qui est dans son cercle vicieux qui fait que ça s'en va régulièrement, ce qu'elle a à faire, on revient encore à la même chose, c'est que tu dois stabiliser ton trou. il y a des, comme il y a des, il y a une personne, par exemple, elle a une paye, puis il y a 50 $ qu'on a sur sa paye tous les semaines. Pourquoi? Parce que si elle a, elle le perd, on le met de côté. C'est un, elle a, personne, elle a une vingtaine d'années, mais c'est son fonds de pension, là, tu sais. Quand ça va se stabiliser, quand ça va se bloquer, il y a tellement de petits trucs dans le genre qui sont dangereux. Je viens de te dire un exemple. Une personne qui vit ce genre de déstabilisation-là, si tu l'engages dans ta compagnie, tu lui donnes un projet, le projet va faire faillite. Cette personne-là doit être engagée comme employée, puis à salaire, même pas à commission. Puis à salaire, elle va continuer à être sa corde de raide parce qu'elle va dépenser même si tu l'augmentes. Donc, augmente-la pas, c'est de l'argent mis aux poubelles. Au pire, augmente-la à part, comme on fait nous autres. Ça servira. Il y a des petites nuances comme ça, à un moment donné, qui sont même importantes. La personne qui est patronne, chef d'entreprise, qui se dit « Ouais, mais c'est moi, je ne même pas, je peux pas me faire engager. » À un moment donné, il faut quasiment que tu engages quelqu'un que tu places en haut de toi, puis tu vas faire ce que lui va te dire, même si tu es patron. Parce que tes décisions sont toujours organisées pour t'amener sur la corde. On parle, il y a beaucoup de conscientisés qui vivent ça. Donc, à un moment donné, en tout cas, on pourrait s'amuser là-dessus. Mais ce qui est important, quand on parle, justement, il y a beaucoup de personnes qui, bon, ils gagnent 500, il ferait mieux de remettre 500, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, tu gagnes 500, garde-en si tu veux, bon, t'as rien à manger, c'est le temps de l'acheter, là. Mais même là, on reste esthétique dans son « je m'en fous ». Mais pourquoi la débandade? Je peux penser au... On en parlait à un moment donné du temps de la guerre, puis tu disais que pendant en période de guerre, il y avait beaucoup plus de création qu'il y en avait en temps de paix. Parce que l'être humain n'est pas assez intelligent. En temps de guerre, on ne parle pas de suicide, puis en temps de guerre, on invente. Parce que l'humain n'est pas assez intelligent. Mais pourquoi faut attendre mécaniquement? Tu viens de le dire, parce qu'on n'est pas assez intelligent, mais pas, pourquoi on n'est pas assez intelligent? On ne faut pas attendre. L'évolution humaine est basée sur un principe. La matière doit parvenir à soutenir de l'intelligence. Spirituellement, on dit de la lumière. Bon, fais ce que tu voudras, c'est de l'énergie. Tant que la matière n'est pas capable de supporter suffisamment d'énergie, l'expression lumineuse à travers la matière, c'est une expression qui est faussée. Quand l'individu finit par se créer des archétypes d'évolution, des archétypes spirituels, l'individu finit par avoir l'espoir dans la paix, l'individu recherche la paix. Pour rechercher la paix, quand tu es en paix, il n'y a rien de plus plate, t'inventes la guerre. Pendant la guerre, tu recherches la paix. Le problème, c'est que pendant la guerre, tout est brimé. L'individu s'ennuie plus. L'individu n'a plus peur de la mort. Il se pousse, il se bat. Bon, l'individu n'est plus en dépression. L'individu n'a pas le choix, il devient un être humain qui doit survivre. La vie semble imprégner beaucoup plus l'individu en temps de guerre qu'en temps de paix. Alors que par l'intelligence, on devrait évoluer en temps de paix, pas en temps de guerre. Mais ce qui va arriver, comme la Deuxième Guerre mondiale a donné un essor technologique indéniable, la première aussi, tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi? Simplement parce que la matière, l'humain n'étant pas capable de fonctionner par l'intelligence, quand tout va bien, il s'écrase puis il fait rien. Quand tout va mal, ben là, il se rappelle de quand ça allait bien. Alors maintenant, s'il n'est pas capable d'exprimer clairement l'intelligence qui passe chez lui, l'événement va le confronter à une obligation de disparaître ou de changer les choses. Étant donné qu'il doit changer des choses et que son ego, les mémoires de l'expérience, se prouvent qu'il n'y a rien qui fonctionne, dans le début d'une guerre, les pays en guerre souvent sont heureux et contents. On part heureux se battre. Même la dernière guerre mondiale, les mecs qui embarquaient ces bateaux et qui allaient se faire tuer là-bas, ils partaient heureux et contents. Bon. Mais après 50 guerres, pas plus heureux et content, là, on a hâte qu'elle arrête. Pourquoi? On est tellement gavé de l'expérience de la guerre que, présentement, on se rend compte que toute la mémoire, chacun son tour, que toute la mémoire et la tradition servent à rien. L'humain est maintenant pris. Il est obligé de se fier un peu plus à des facteurs neufs. Alors, il va ouvrir des portes psychologiques plus grandes à l'intelligence, ce qui va lui permettre d'exprimer plus facilement du neuf, donc de l'intelligence, et là, on dit, il devient plus créateur. La science, on va la lancer, on va reformer la pédagogie, on va, en tout cas, on change tout de A à Z. Puis à l'instant où on recommence à être en paix, on recommence à redevenir stéréotypé puis mémoriel. L'individu qui commence à se conscientiser, il évolue. Évoluant, à un moment donné, ça va bien. Quand ça va bien, au lieu de se servir de ce que ça va bien, ta compagnie, elle va bien, Tu gagnes beaucoup d'argent comme employé à ton emploi, mais commence à cesser de travailler. Commence maintenant à aller chercher du temps. L'individu ne comprend pas ça. L'individu, il en ramasse de plus en plus. Il en profite de plus en plus. Et puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que, encore une fois, l'individu se ramasse dans un contexte où tout est tellement parfait pour qu'il améliore, donc, intelligencie, les sociétés et son évolution, ainsi que sa vie. Il ne le fait pas parce qu'il se vautre dans ce qu'il a. On appelle cela le luxe. Il y a une nuance entre le confort et le luxe. Moi, je vis confortable et certains diraient que j'ai du luxe. Je n'ai pas du luxe, c'est utile ce que j'ai. Mais utile parce que ça va avec ce que je fais. Lorsque l'individu est totalement anéanti par le confort qui devient une luxure, il ne fait plus rien. Alors, comme je dis souvent, si vous seriez tous millionnaires, vous ne seriez pas ici à soir. L'individu qui va bien ne fait rien pour améliorer ce qu'il est lui. Pourquoi? Parce que la matière oblitère totalement ce qu'il est. C'est pourquoi souvent, théologiquement, on a dit que l'humain doit se libérer de la matière. En ce sens, ne vous soumettez pas à la tentation. Plus tu te débarrasses de la matière, plus tu es ramassé à devoir te démerder. Et là, on retrouve l'intelligence et la puissance dans l'homme. Mais la problématique, c'est que ton intelligence sans matière ne trouve pas matière à expression. Donc, il y a un problème. Alors, tu auras des moines, tu auras des gourous, des méditants, des méditantes, des flotteurs, des ce que tu voudras, qui sont géniales, puis qui ne serviront jamais à la progression de l'humanité. Parce qu'ils n'ont pas la matière pour l'appliquer. Ben, ils n'ont rien pour rien faire. Par contre, tu en as d'autres qui ont tout, puis qui n'ont aucune idée à faire avec ça. Et là, c'est souvent, on m'a dit, c'est mal fait les affaires. T'sais, moi, j'aurais, non, c'est bien fait les affaires. Toi, si tu aurais l'argent, tu n'aurais pas d'idée. Lui, il aurait des idées. Fait que lui, il dit, si j'ai des idées, je devrais avoir de l'argent. On lui donne l'argent, il perd ses idées. T'as plus d'argent, tu trouves des idées. T'sais, c'est une question d'énergie, d'équilibre. C'est pour ça qu'on doit focaliser à un moment donné. Pourquoi ça se passe comme ça? Ben, à un moment donné, parce que l'humain n'est pas suffisamment... Bon, on parle de pollution. Quand on va mourir étouffé, on va trouver des moyens de dépolluer. Maintenant qu'on peut respirer, c'est bien trop compliqué. Il n'a pas de moyens, c'est impossible. Quand l'humain est bien mal pris, il est obligé de faire confiance à la vie qui est chez lui. Il se fait confiance à lui. Il s'autorise à s'en sortir. Dans l'abondance, c'est la même chose. L'individu pourrait être bien. Comme j'expliquais tout à l'heure, tu es rendu à un niveau où c'est le temps d'arrêter. Faire une vérification expérientielle, un test supramental, c'est non, il ne faut pas plus loin. La personne n'y croit pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne s'exprime pas émotivement chez nous. Notre cœur accélère pas quand on a un contact avec l'intelligence. On a juste une compréhension. Mais quand on a une émotion, une visualisation émotive, ça accélère, ça sécrète, puis on donne plus de crédit à ça. C'est mieux, c'est plus vrai. C'est très dangereux. Le phénomène d'intelligence n'est pas émotif, c'est pas sécrétatif, c'est pas endocrinien. La personne, elle le sait, elle fait son test, puis en même temps, elle est tellement sûre que ça va marcher. Ça se sécrète, ça se vit corporellement. Elle l'essaye. Mais à un moment donné, là, il faudrait qu'elle comprenne. Alors, elle se casse la gueule, c'est l'apanage du conscientisé. Puis l'abondance, ça tourne autour, ça n'attend que la personne qui devrait simplement ouvrir la porte. La personne est là, puis elle cherche ses clés. Elle n'est pas bourrée, la porte. Mais elle cherche ses clés pareil, parce que dès qu'elle est bourrée, elle va les avoir, tu sais. Fait qu'elle cherche ses clés, elle n'est pas bourrée, la porte. Puis tout le temps, tu cherches tes maudites clés. Là, tu sors tes clés. Bon, tu la mets dans la serrure, c'est pas la bonne. Elle n'est pas bourrée, la porte. Oh non, non, c'est toute pleine, mais c'est, voyons, pas bourrée. C'est bien trop précieux, ce qu'il y a de bord. Elle est bourrée, la porte. Elle est bourrée par l'idée qu'auront toutes les gens qui ne peuvent pas rentrer, que la porte est bourrée. Et tout le monde pourrait rentrer. Personne ne rentre. Tout le monde cherche les clés. Ils n'ont pas besoin de boire à la porte. C'est pour ça que ça semble facile, mais c'est très difficile. Mais c'est facile. Si tu connais la mécanique, c'est facile. Quand tu ne la connais pas, c'est compliqué. Tu cherches tes clés, mais pas boire la porte. Alors, l'être humain est toujours, c'est à son conséquent, tout va le plus mal qui est à son meilleur. Mais si vous êtes déjà des êtres formidables, ben attendez-vous à descendre bas en maudit. Si c'est juste ça qu'il faut pour vous faire partir. Mais si on applique par intelligence et compréhension des mécaniques nouvelles. Mais là, tu ne descendras pas si bas parce que tu vas dire, ah, c'est OK, ouais, là, j'ai vu que l'ascenseur descendait, j'arrête ici. Bon. Ouais, mais il faut devenir créateur à ce niveau-là pour arrêter de descendre. Tu vas devenir créateur dès le départ, quand vous allez commencer juste à vous conscientiser pour comprendre la mécanique, puis innover de nouvelles façons d'avoir de l'abondance, en appliquant celles que j'ai dit, puis rien qu'en les comprenant, c'est comme si on les recréait, tu es déjà créateur. T'invente de nouveaux processus d'abondance. Puis après ça, tu vas devoir créer pour occuper ton temps intelligemment. Créer pour travailler avec ton argent intelligemment. Tu vas être créateur. Mais à un moment donné, tu te dis, crime, là, j'ai écrit un livre. Best-seller, ça marche. Ah, ça va bien, tu dors. Hey, il faut que tu écrives des livres. Tu en auras de l'argent. C'est correct. Mais l'idée, il faut que tu écrives. Tu cesses d'écrire, ça va bien. Il va arrêter de se vendre. À un moment donné, sois sûr de ça, même s'il est bon. Il faut qu'on te force à écrire. Là, tu vas commencer à écrire encore. Fais attention, c'est comme les peintres. Picasso, il souffrait quand il n'arrivait pas à peindre. Il peignait pour ne pas souffrir. On n'en arrivera pas là. Mais dans la matière, ça va baisser. Là, d'un coup, tu commences à communiquer. Tu sais, j'en écrirai un par année. Au moins, je m'exprime. Puis le reste du temps, je vais parler avec des gens. Le reste du temps, je vais faire d'autres choses. Continuer à créer. Pas juste de bâtir des bebelles. Écoute, une idée géniale, tu bâtiras une bébelle. Mais attends pas d'être mal pris pour continuer à vivre. Puis trop de personnes, c'est ce qu'ils font. Ou ils s'endorment dans le travail ou dans la paresse, le temps, mais de toute façon, ils ne créent plus. C'est pour ça. La semaine prochaine, on revient avec comment conserver. Je sais bien que d'ici à la semaine prochaine, vous aurez peut-être...